Le coup de Jarnac par Amélie Aufauvre. Chapitre 1er. Le roi français Ier était en chasse à Compiègne. Les chasses du successeur de Louis XII n'étaient plus cet exercice exclusivement fatigant, destiné à fournir un simulacre de combat et un motif de manier des armes. La vénerie brutale, entrecoupée de repos, de hasard et de frugales réflexions, avait disparu. Le XVIe siècle commençait à en faire un art. Un thème varié de plaisirs de toutes sortes. Le gibier devenait moins un but qu'un prétexte. Dames, musiciens, bouffons et cuisiniers se chargeaient des intermèdes quand ce n'était pas l'allégorie païenne qui en faisait les frais. La Renaissance, en restaurant pour les beaux-arts et un peu trop pour les mœurs, les traditions oubliées de la théogonie antique, abusa des faunes, des satyres, des sylvains, des dryades et des amadryades. Syrinx sortait souvent d'un nid de roseaux pour saluer le roi, tandis que les nymphes et les saisons venaient lui offrir des fleurs et des fruits. Les bas-reliefs et les fresques du Primatis, de Rousseau et de Niccolo avaient mis en goût des réminiscences gréco-romaines, comme plus tard les bergeries de Madame Desolières, passionnaire pour les pastorales peuplées de bergers vêtus de satin, gardant des moutons frisés à la neige. Or, le lendemain d'une de ces chasses d'opéra comique, Compiègne y était encore dans un calme profond. Les fenêtres du château, hermétiquement fermées, protégeaient le sommeil des hôtes du roi contre les bruits extérieurs. Les cours étaient à peu près solitaires. Au chenil, comme à l'écurie, la fatigue faisait taire les aboiements et les hennissements. Dans le quartier de la Bataille et des équipages, même inaction, même silence. Aux entrées du château, on apercevait seulement les fers de lance osciller aux épaules des sentinelles engourdies. Pour les corps de garde comme pour le palais, il paraissait qu'on avait bien employé sa journée. Il semblait du reste que le temps se fût fait complaisamment le courtisan de l'hôtellerie royale. Le soleil levant se voilait discrètement dans les brumes blanches qui flottaient au-dessus de la forêt et n'arrivait qu'en rayons incertains sur les rives coloriées du château. L'air était frais et le zéphyr, comme eût dit un historiographe des plaisirs du roi, semblait retenir son souffle. À peine si le mobile feuillage d'un massif d'Ypréau, voisin de la résidence, en trahissait la respiration par un discret frémissement. Au milieu de cette matinée si bien faite pour le repos, deux cavaliers arrivaient aux portes du château de Compiègne. Leurs manteaux, détrempés par le brouillard, et leurs bottes, tachées de la boue dont les chevaux étaient couverts jusqu'au poitrail, décelaient une marche de nuit pleine d'incidents et de fatigue. L'air de lassitude des montures prouvait que les pauvres bêtes, malgré leur vigoureuse charpente, commençaient à désirer la litière. Contre l'opinion qu'on pouvait concevoir en voyant le piteux état des chevaux, les deux cavaliers semblaient ne songer ni au repos ni à la fatigue. Le plus jeune des deux cavaliers était de haute et élégante taille. Sa figure accentuée trahissait par de fréquentes contractions une pensée amère, et l'on voyait que cette amertume se doublait de colère lorsqu'on surprenait les éclairs de son regard. La figure du plus âgé des cavaliers n'était pas moins expressive. Seulement la douleur s'y rencontrait avec l'exaltation. Les deux hommes piquèrent droit au corps de garde placé en face des appartements du roi. Après avoir parlementé pendant quelques minutes, ils franchirent le pont abaissé sur le fossé d'enceinte du château. Dans la cour, un palefrenier vint au-devant d'eux et emmena les chevaux quand les cavaliers eurent quitté la selle, avec une vivacité qu'on n'eût pas attendue d'hommes fatigués par une longue marche. Aux abords du vestibule, ils rencontrèrent un écuyer qui paraissait donner des ordres. « Le roi est encore ici, n'est-ce pas ?» demanda l'un des cavaliers. « Oui, » répondit l'écuyer. « Alors veuillez nous conduire vers lui. » L'écuyer fit un mouvement de surprise qui n'avait rien de favorable à la demande, et il sembla presque aussi scandalisé de la tenue des questionneurs que de l'opportunité de leur arrivée. « On ne parle pas au roi aussi facilement que vous le supposez. Monsieur le connétable et monsieur le chancelier, pour une affaire importante, y regardera deux fois avant d'interrompre son repos. » « Parce que monsieur le chevalier et monsieur le connétable peut à son gré trouver ces occasions, » répliqua vivement l'interlocuteur de l'écuyer. « Parce que toutes les affaires publiques, fût-ce celles de l'État, peuvent attendre, tandis que la nôtre, la vôtre, » interrompit l'écuyer d'un ton railleur, « n'aurait l'importance que vous lui donnez que s'il touchait à la vie ou à la sûreté du roi. Vous vous trompez, car il est encore une circonstance que vous oubliez. C'est celle où il s'agit de l'honneur de deux gentilshommes. » L'écuyer cessa de sourire et s'inclina avec une gravité respectueuse. L'honneur était un des mots sacrés du vocabulaire de la noblesse française. « Vous avez raison, mon gentilhomme. Je vais aviser au moyen de vous faire parvenir jusqu'au roi. qui ferais-je annoncer ? Guy Chabot de Montlieu, seigneur de Jarnac. Je connaissais votre nom et votre courage, à défaut de votre personne, c'est bien. Ajoutez que mon père, un vieux serviteur du roi Louis XII, a quitté son manoir, et que malgré la fatigue et son âge, il n'a eu ni repos ni trêve avant d'arriver ici. La cause qui me guide est aussi sa cause. Un quart d'heure après cette explication, ordre fut donné de laisser passer partout les deux gentilshommes. Le roi auquel l'histoire a conservé le surnom de chevalier venait aussi de subir l'influence magique de ce mot auquel avait cédé l'introducteur. Il s'était levé à la hâte pour recevoir la visite insolite et matinale des deux cavaliers. Il leur fit signe d'approcher. « Venez, messieurs de Jarnac, leur dit-il avec bienveillance, et dites-moi ce qui vous rend si pressant. L'honneur de notre famille et de notre nom, sire, répondirent les deux hommes en se jetant à genoux. « Relevez-vous, messieurs, fit le roi, en accompagnant l'invitation du geste. Cette attitude ne convient qu'à des coupables qui ont une grâce à invoquer. La honte infligée à notre maison nous place presque au niveau de ceux-là, sire, dit le vénérable Chabot, les larmes aux yeux. Seul, vous pouvez nous aider à effacer l'opprobre dont est couvert le nom de Jarnac. Expliquez-vous donc, messieurs, car je ne comprends rien à ce qui se passe, vous tenant moi pour de bons et loyaux gentilshommes. Sire, un propos infâme a été tenu sur moi et sur la digne femme qui a remplacé ma mère au foyer paternel. Je ne le répéterai pas, mais je dirai que le noble nom de Chabot de Montlieu se trouve aujourd'hui la fable et le scandale de la cour. Je me joins, mon fils, sire, pour que votre majesté ordonne une rétractation publique et solennelle, sans laquelle je mourrai de désespoir et de honte. Ce que vous me demandez est difficile à promettre, messieurs, tout roi que je suis. Et d'abord, qu'avez-vous fait ? En remontant jusqu'à la source de la calomnie, nous avons sommé son auteur de la reconnaître et de se désavouer. Il a donc refusé, formellement, sire, en aggravant sa conduite par un nouveau mensonge. Je ne vous demande pas s'il est gentilhomme, je vous demande son nom. François de Vivin de la Châtaigneraie. Votre ancien ami, page comme vous, gentilhomme de la chambre comme vous. C'est grave. Il n'y a pourtant que vous, sire, qui puissiez apporter le remède au mal. Je ne vois que deux moyens. Le premier, exiger un désaveu que la Châtaigneraie a le droit de refuser, car il relève de son honneur avant de relever de son roi. Le second, de le contraindre par la question, et dans ce cas, la violence aggravera au lieu d'atténuer. Il est un troisième moyen auquel ne songe pas votre majesté, reprit Jarnac, et ce moyen met d'accord la justice et la réparation. C'est pour avoir le droit de l'employer que nous venons vous implorer. Dites, monsieur, répliqua le roi, c'est de m'autoriser à en appeler au jugement de Dieu. François fronça le sourcil. Je pressentais vos paroles, dit-il, mais vous n'ignorez pas que cette coutume barbare, qui n'est qu'un duel en champ clos, est proscrite sous peine de mort et d'infamie. Je le sais, sire, et c'est parce que je le sais que vous me voyez ici. Seul, vous pouvez suspendre l'effet des édits et des ordonnances sur les combats judiciaires. Seul, vous pouvez nous tirer de cette cruelle alternative, déshonneur ou flétrissure. Le roi ne répondit pas, mais son visage de bienveillant était devenu sévère. Jarnac crut devoir insister. « Je pouvais provoquer M. de la Châtaigneraie, dit-il. Je pouvais arranger une rencontre avec lui et régler dans un combat obscur mes comptes d'offensé. Je ne l'ai pas fait, parce qu'à sanglant affront, il faut réparation éclatante. Le combat judiciaire est la seule porte honorable pour sortir de ce cruel embarras. Dieu est juste, il sera du côté de la justice. Quand il aura parlé par la lance ou par l'épée, personne n'osera douter de notre honneur. « J'aime votre foi, monsieur, » répondit François sans pourtant cesser d'être sévère. « Elle me prouve à l'égal d'une rétractation la justice de votre cause. Vous autorisez donc, sire, je défends cette rencontre, car c'est une impiété de faire le jugement de Dieu des hasards d'un combat. Trop souvent, des défaites ont condamné de bonnes causes. Monsieur de Vivonne est exercé à tous les genres d'escrime. L'amour-propre lui tient lieu de conviction, et vous pouvez succomber. Et s'il succombe, je relèverai le gant, moi, » s'écria le père Jarnac. Pour qu'il y ait deux victimes, au lieu d'une, deux preuves mensongères contre la même vérité. Non, messieurs, ce combat n'aura pas lieu. Je le défends, entendez-vous, et toute la rigueur des lois sera déployée contre les combattants, contre les tenants, contre les parrains. Assez de barbarie comme cela. Cherchez ailleurs les moyens de réparation. La passion vous aveugle en vous les montrant où ils ne sont pas. Monsieur de Vivonne saura comme vous ce que je veux, ce que j'ordonne. Je ferai mon possible pour obtenir par la persuasion ce que vous voulez demander au hasard d'un coup d'épée. C'est tout ce que je puis promettre. » La véhémence du roi n'admettait pas de réplique. Sa volonté formelle excluait tout espoir d'autorisation et de tolérance. Navrés et découragés, Jarnac et son père remontèrent à cheval et s'enfuirent de Compiègne, emportant au fond du cœur l'espoir et le sentiment de la vengeance. Comme il l'avait promis, le roi parla à Vivonne de la Châtaigneraie et le conjura de se désavouer. Vivonne refusa et maintint les propos que lui reprochaient Jarnac et son père. Il faut dire, pour expliquer l'insuccès des tentatives de François, que le gentilhomme prenait à son compte l'interprétation déshonorante que, dans un accès de légèreté, le dauphin Henri II avait donnée à une plaisanterie de Jarnac. Jarnac avait indiqué, sous une forme élastique à l'interprétation, la source de l'argent qui lui permettait de mener un grand train et de briller à côté des plus brillants gentilshommes. C'était entre Henri II, la Châtaigneraie et Jarnac que la conversation avait roulé sur ce sujet. Plus circonspect que le dauphin, la Châtaigneraie n'avait pas interprété au dehors les propos de son compagnon d'armes. Au contraire, Henri II avait pris dans un sens infâme une origine qui n'avait rien que d'honnête. Confident de ses impressions, Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, avait divulgué la pensée du dauphin. Elle était guidée par l'animosité qu'elle ressentait pour Jarnac. Bientôt Jarnac apprit l'odieux propos qui courait sur son compte. C'était un homme fier, portant haut le nom sans tache qu'il avait illustré, et qu'il ne pouvait se résigner à subir le mépris dont il survoyait l'objet de la part de ceux dont il voulait l'estime. Il n'avait parlé que devant la Châtaigneraie et devant le dauphin. C'était donc l'un ou l'autre qui avait transvesti son langage. Naturellement, il accusa la Châtaigneraie, croyant arriver ainsi au vrai coupable. Il se trompait. François de Vivonne sentit bien qu'en se disculpant, il devait déconsidérer le dauphin. Il prit donc la responsabilité du propos. Ainsi, la haine de Jarnac n'avait pas d'autre cause qu'une erreur. Contenus par l'ordre du roi, les deux gentilshommes s'abstinrent de se rencontrer. Mais il était facile de voir que malgré le temps, malgré la volonté souveraine, Jarnac conservait au fond du cœur l'inflexible désir de se venger. En l'an 1547, on en eut la preuve. Chapitre 2e. François Ier venait de mourir des suites de la maladie dont les premiers symptômes s'étaient révélés à la muette, et le dauphin, son fils, lui avait succédé sous le nom de Henri II. La première personne qui vint demander au jeune roi une faveur fut François de Vivonne de la Châtaigneraie. Il s'agissait de lui donner la permission, que François Ier avait refusée à Jarnac, de vider en champ clos la querelle qui sommeillait depuis longtemps. La démarche de la Châtaigneraie eut dû provoquer chez le roi un mouvement de loyauté et lui faire prendre la responsabilité de sa faute. La honte le retint et il se borna à permettre ce que son père avait défendu. Guy de Chabot, averti de l'autorisation donnée par Henri, trouva dans l'initiative de son adversaire une preuve de culpabilité. Il arriva à la cour, brûlant du désir de venger l'honneur de la femme de son père et le sien. Charles Gouffier de Boissy se déclara le parrain de Jarnac. Le duc d'Aumale prit le même titre en faveur de la Châtaigneraie. Le connétable de Montmorency fut nommé juge du camp. Le lieu choisi pour être le théâtre de cette lutte renouvelée des anciennes coutumes de chevalerie fut Saint-Germain. Le 10 juillet 1547, la partie comprise entre le château de François Ier et le terrain où devait s'élever le château de Henri IV était disposée selon les anciens usages. Une arène s'étendait à peu près à la place où l'on voit la cité Médicis. À chaque bout se dressait une bannière gardée par des héros d'armes. Tout près de là, un groupe de trompettes et de tambours attendait un signal de Monsieur de Montmorency. Dans le sens de la longueur et limitant l'arène, on avait élevé des tribunes. Vers le centre était la loge du roi et de la cour. Dès le point du jour, les tribunes s'emplissent d'invités. Les fenêtres, les balcons et les terrasses du château se garnissent de curieux. Le roi et sa suite prennent place dans la loge royale. Dans le court intervalle qui s'écoule entre les préliminaires du combat et la rencontre des deux adversaires, les regards se portent sur l'estrade occupée par l'ambassadeur de Soliman II, dont l'étrange costume et le brillant cortège offrent un spectacle inconnu à la plupart des assistants. L'envoyé du sultan s'étonne moins de la curiosité dont il est l'objet que du motif de la réunion. Comment se fait-il que de gentilhomme à gentilhomme, de français à français, il puisse y avoir de pareilles luttes et comment le roi la permet-il? Cette question de l'envoyé de Soliman, que rapporte Brantôme, était la plus sévère critique de ce qui allait se passer. Cependant, les trompettes éclatent en bruyantes fanfares. les tambours battent, les cloches du couvent de Saint-Germain et de l'église du château tintent en vibrations solennelles. Le connétable de Montmorency fait un signe. Presque au même moment, les barrières du préau glissent sur leur support et deux hommes, couverts d'armures brillantes, le visage abrité par les grilles de casque fermé, s'avancent au pied du juge de camp. L'un a l'attitude fière et provocante, c'est François de Vivonne de la Châtaigneraie, passé maître en escrime et à tous les exercices du corps. L'autre est grave, modeste et pensif, c'est Guy de Chabot de Montlieu de Jarnac, le véritable offensé, pour lequel le jugement de Dieu est une suprême espérance. Vous jurez que votre cause est juste, que vous ne portez pas d'armes défendues, que vous n'avez pas eu recours à des enchantements pour vous assurer la victoire? Telle est la question que le connétable adresse à chaque combattant et à laquelle chacun répond « Je le jure ». Bouffier de Boissy et le duc d'Aumale s'approchent en qualité de parrain. Les héros d'armes apportent un faisceau d'épées et de baguettes que les parrains examinent, essuient et mesurent. Quand le choix est fait, Jarnac et la Châtaigneraie reçoivent chacun une dague et une épée en retournant aux barrières. Le héros chargé de régler les entrées s'écrie « Laissez aller les bons combattants !» Jarnac et la Châtaigneraie reviennent alors au centre du champ clos, le bouclier au bras gauche, l'épée à la main droite, la dague à la ceinture. Leur visage est protégé par la visière grillée du casque. En face de la loge du roi, ils saluent, puis, reprenant du champ, ils s'élancent l'un sur l'autre. Ce n'est d'abord qu'un cliquetis d'épée, d'où jaillissent les étincelles, l'éclat sonore des armures et des boucliers sur lesquels la pointe et le tranchant des larmes s'émoussent. La première passe d'armes reste sans résultat. Mais les spectateurs acquièrent deux convictions. C'est la supériorité de la Châtaigneraie dans l'attaque, celle de Jarnac dans la défense. À peine s'ils ont eu le temps de respirer que les deux champions s'élancent de nouveau. L'œil s'égare en cherchant à suivre les évolutions de ces deux épées qui flamboient. S'enlacent comme des reptiles et tourbillonnent en éclairs. La Châtaigneraie frappe à la fois sur le casque, sur l'armure, sur le bouclier de son adversaire. La pointe des épées voltige et darde partout où elle a chance de pénétrer. Jarnac élève alors son bouclier déjà faussé au-dessus de sa tête et prompt comme la foudre, son épée dégagée par une feinte tombe en diagonale sur la jambe gauche de Vivonne. Vivonne pousse un cri de rage, l'épée atteint le jarret. Le blessé chancelle sur une jambe, aussi un moment, puis tombe lourdement sur le sable pour se relever sur un genou. Trois fois sa voix et son épée défient Jarnac. Trois fois Jarnac reste sourd à l'appel. Mais il crie au blessé « Rends-moi mon honneur et demande merci à Dieu et au roi !» D'un appel, Vivonne refuse l'aveu et se traîne pour combattre. Jarnac avance alors du côté du roi et se jette à genoux. « Sire, dit-il d'une voix suppliante, je vous donne mon adversaire. Prenez-le en considération de votre glorieux père qui vous a nourri tous deux. » Tous les yeux se tournent avec anxiété vers le roi. Toutes les poitrines sont oppressées. Mais Henri semble hésiter et se troubler. Il détourne la vue et garde le silence. Jarnac se relève alors et se tourne tristement vers le blessé. À quelques pas de cet ennemi mutilé, il se prosterne et répète trois fois en se frappant la poitrine de son gantelet de fer « Domine non sum dignus ». Cependant, la Châtaigneraie fait un effort, il rampe sur le sol, et voyant qu'il ne peut ressaisir son épée, il s'arme de sa dague pour frapper Jarnac. « Ne bouge pas ou je te tue !» dit celui-ci en évitant le coup. « Tue-moi donc !» réplique Vivonne d'une voix où l'on sent à la fois l'humiliation, la douleur et la colère. Le vainqueur laisse tomber sur le blessé un regard de tristesse et se borne à détourner sa dague. Il revient de nouveau se présenter au roi. « Prenez-le, sire !» dit-il en joignant les mains et en mettant dans son accent autant d'insistance que dans ses paroles. « Prenez-le, il est vôtre, je vous donne sa vie, et je demande à Dieu que ce brave chevalier puisse vous servir. » Dans un jour de bataille, comme je voudrais vous y servir moi-même. » Cette fois, l'émotion de l'assistance est à son comble. Tout le monde s'unit du fond du cœur à Jarnac et partage la commisération qu'il exprime. Bien différent de ce que se montra plus tard son successeur Henri IV, Henri II résiste à l'entraînement général. Il est froid et silencieux en face des prières et des supplications du vainqueur. « Vivonne, mon camarade, » lui dit-il d'une voix attendrie. « Adresse ta prière à Dieu, et soyons amis. » Désavoué et abandonné par le roi dont il expie la faute, la Châtaigneraie se tait et repousse la main que lui tend Jarnac. Malgré les dédains et les refus qui accueillent ces généreuses inspirations, le brave gentilhomme ne se tient pas pour obligé d'arracher la vie au malheureux dont le sang rougit le sol. Une troisième fois, il revient en face du roi. Sa parole s'anime. Son action n'est plus celui d'un sujet qui humilie sa volonté devant une volonté supérieure. C'est celui d'un homme qui parle au nom du droit et des devoirs de l'humanité, au nom de la religion chrétienne pour laquelle la vie des hommes est sacrée. S'il ne dit point que sa main ne se souillera pas du sang d'un homme désarmé, le sens de sa supplication prouve que telles sont son intention et sa pensée. Enfin, le roi, qui ne voit autour de lui que des visages sur lesquels se lisent la supplication et la prière, qui sent que tous les cœurs battent à l'unisson du cœur de Jarnac, se décide. « Je l'accepte, » dit-il. Ces deux mots semblent rendre la respiration à l'assistance. Le connétable et les maréchaux demandent alors que le triomphe soit décerné au vainqueur. Généreux jusqu'au bout, Jarnac s'y refuse. Un mouvement du roi répare en cet instant son attitude. Il se lève, s'approche de Jarnac et lui dit « Vous avez combattu comme César et parlé comme Aristote. » Le duc d'Aumale, le parrain du blessé, s'approche de lui et cherche à le consoler en le faisant relever. Peine perdue, Vivonne souffre plus de sa défaite que de sa blessure, car tous les avantages sont du côté du vainqueur. En effet, derrière le champ clos, et préjugeant témérairement l'issue du combat, il a fait dresser une table richement servie autour de laquelle on devait célébrer son triomphe. Digne expiation de cette orgueilleuse forfanterie, sa tente est pillée par la populace qui disperse les mets, répand les vins et vole la vaisselle. 3 jours après, Vivonne s'éteignait dans son lit des suites d'une hémorragie. Il avait arraché l'appareil posé sur sa blessure. Le combat de Jarnac et de la Châtaigneraie fut le dernier combat judiciaire. Henri II jura qu'il n'y en aurait plus. Ses successeurs tinrent son serment. C'est de la blessure imprévue qui mit Vivonne hors de combat qu'est né un proverbe fameux. Un coup de Jarnac traduit l'idée d'un succès obtenu contre toutes les prévisions humaines. Amédée au Fauvre.